Rêve croisé. Enjoués, souples, là, timides ou sonores, des pas rythment le souffle aveugle des cités. Sur la place qui brûle et s'anime, éclatée, dans les regards vincieux filent sans métaphore. Parmi tant de passants d'âge et de cœurs divers, une femme, un vieil homme, une très jeune fille, dont quelques rêves fous, par saccades, pétillent, semblent ne contempler que leur propre univers. En se croisant, pareils à des ombres fugaces, à peine se sont-ils devinés, reconnus. À travers six beaux yeux, trois mondes ingénus, là, magnifiquement, éclairent ces trois faces. Lequel, jusqu'à plus soif, hume l'être et le don. Quel infini choyé du fond de leurs prunelles, à celle-ci fait voir maintes fleurs éternelles, et comble celui-là d'un suprême abandon. Les voilà donc si près, si loin. L'âme candide, ô trouble, ils boivent l'heure avec saisissement, tandis qu'en eux s'allume un arc-en-ciel aimant qui nappe de joyaux certains songes splendides. Tourbillon, foyer pur où chacun marche seul, conscience de l'un sourde à celle des autres. D'une envolée unique, ils se font les apôtres, comme si leur voyage exilait tout l'un seul.